Chapitre 13. Ces raisonnements me déterminèrent à garder ce qui m'avait été remis. Ensuite, mon premier soin fut de songer au lieu que je choisirais pour y cacher cette triste existence que je venais de dérober à la main des bourreaux. Depuis cette crise, il me semblait que le danger d'être arraché par force au plan auquel je jugerais à propos de me fixer ne devait plus être aussi grand. D'ailleurs, ce qui influait beaucoup sur ma détermination, c'était le dégoût extrême que j'avais conçu pour les situations par lesquelles il m'avait fallu passer. Je ne pouvais savoir de quelle manière M. Falkland se proposait de diriger sur moi ses vengeances. Mais toute espèce de déguisement m'était si odieuse, l'idée de passer ma vie sous une autre forme que la mienne me causait une aversion tellement insurmontable qu'il m'était impossible, au moins pour le moment, d'arrêter mon esprit sur rien de semblable. La capitale m'inspirait le même éloignement, en me rappelant tant d'instants passés sous le voile du mensonge et dans l'angoisse de la terreur. Je me décidai donc en faveur du projet qui avait autrefois tant souri à mon imagination, celui de me retirer dans quelque lieu bien éloigné, bien champêtre, au sein de la paix et de l'obscurité où, pendant au moins quelques années, peut-être pendant la vie de M. Falkland, je pourrais me cacher du monde entier, oublier mes funestes relations avec lui, laisser cicatriser les blessures qu'ils avaient faites à mon âme, diriger et mettre en ordre les nombreux matériaux de mon expérience, cultiver le peu de talent que je possédais et employer les intervalles de ces occupations à l'exercice d'une innocente industrie et au commerce de quelques bonnes âmes sans culture et sans préjugés. Les menaces de mon persécuteur semblaient me prédire la ruine inévitable de cet heureux plan de vie. Mais il me semblait plus sage de mettre ces menaces tout à fait hors de compte. Je les comparais à la mort qui infailliblement doit nous atteindre sans que nous en sachions le moment, mais dont l'arrivée possible cette année, cette semaine, demain même, n'entre jamais dans les calculs d'un homme qui concerte une entreprise, quelque importante qu'elle puisse être. Telles furent les idées qui déterminèrent mon choix. Ainsi, ma confiante jeunesse disposait déjà d'un long avenir dans les plans qu'elle traçait, tandis que l'annonce des malheurs dont j'étais à chaque instant menacé résonnait encore à mon oreille. J'étais endurci à la crainte et aux alarmes. Le bruissement des vents, précurseur de la tempête, n'avait pas même le pouvoir de troubler ma tranquillité. Néanmoins, tant que je devais encore me croire dans la sphère de mon ennemi, je jugeais nécessaire de m'environner de toute la vigilance possible. J'eus grand soin de ne pas m'exposer au hasard des ténèbres ou de la solitude. Quand je quittai la ville, ce fut avec le carrosse public, moyen de protection bien assuré contre toute violence ouverte. Toutefois, je ne me trouvais pas plus inquiété dans ma marche que si je n'avais pas eu la moindre raison de rien craindre. À mesure que la distance augmenta, je me relâchais de quelque chose dans mes précautions, quoique toujours en éveil par un sentiment de danger, et constamment poursuivi par l'image de mon persécuteur. Je fixai mon choix sur une petite ville du pays de Galles. Dans la recherche que je faisais d'une demeure, mes regards s'arrêtèrent avec plaisir sur cet endroit qui était dans une situation riante et annonçait à la fois la propreté et la simplicité. Il était éloigné de tout chemin public et fréquenté et n'avait aucun commerce ou du moins rien qui en méritât le nom. La nature y avait l'aspect le plus agréablement diversifié, offrant dans une partie des sites agrestes et tout à fait romantiques, et exposant dans l'autre de riches et abondantes productions. Quand j'eus choisi cette ville pour m'y fixer, je me mis à y exercer deux professions différentes. La première, celle d'horloger, où le peu d'instruction que j'avais reçue ne laissait pas d'être assez heureusement secondée par une imagination fertile en inventions mécaniques. La seconde, de maître de mathématiques et des sciences pratiques qui en sont l'application, telles que la géographie, l'astronomie, l'arpentage et la navigation. Dans l'obscure retraite que j'avais adoptée, aucune de ces deux professions ne pouvait être une source d'émoluments fort abondante. Mais si ma recette était faible, ma dépense l'était encore plus. Dans ce petit endroit, je fis la connaissance du curé, de l'apothicaire, de l'avocat et des autres personnes qui, de tout temps, avait été regardé comme la petite noblesse du lieu. Chacun d'eux réunissait un grand nombre d'emplois différents. À moins de voir le curé le jour du dimanche, il aurait été difficile de deviner sa profession. Les autres jours de la semaine, sa main évangélique ne se faisait aucun scrupule de conduire la charrue ou de ramener les vaches des champs à la ferme pour les traire. L'apothicaire faisait au besoin l'office de barbier et l'avocat était aussi le maître d'école de l'endroit. Toutes ces personnes m'accueillirent avec une bonne et franche hospitalité. Chez les gens qui vivent ainsi loin du tourbillon des sociétés nombreuses, il règne un esprit de bonhomie et de confiance qui facilite bientôt à un étranger les moyens de gagner leur bienveillance. Dans les divers événements de ma vie, mes manières avaient toujours assez conservé la simplicité de la vie champêtre, et les traverses que j'avais eues à endurer avaient encore ajouté à la douceur naturelle de mon caractère. Sur le nouveau théâtre où je me trouvais placé, je n'avais point de rival. Ma profession mécanique, jusqu'alors, n'y avait pas été exercée par un ouvrier à demeure, et le maître d'école, qui n'aspirait nullement aux hautes sciences que je me proposais d'enseigner, était disposé à m'admettre volontiers pour son adjoint dans l'entreprise de civiliser les esprits rustiques des habitants du lieu. Quant au curé, il ne s'occupait guère de civilisation. Son affaire était de songer aux choses d'une autre vie et non pas aux intérêts charnels de ce bas monde. À part les vrais, ses vaches et ses avoines étaient le premier objet de ses pensées. Le genre de monde parmi lequel je vivais avait peut-être beaucoup plus de prise sur mon cœur qu'il n'en aurait eu sur toute autre personne d'un esprit cultivé au même degré que le mien. J'avais acquis en peu de temps une profonde expérience de la société telle que les rangs et les distinctions la constituent. Cette simple et agreste communauté dont j'étais devenu membre, où la franchise et la candeur accompagnaient l'ignorance, avait une sorte de ressemblance grossière avec cette belle simplicité à laquelle aspire une âme grande et élevée. Je n'y voyais aucune trace de duplicité ni de malice. C'en était assez pour me réconcilier avec la rudesse des formes, la petitesse des vues, l'uniformité des sensations et les autres inconvénients que j'y pouvais trouver. Si j'aurais pu bien longtemps passer sur tous ces défauts en faveur des avantages, c'est ce que je ne puis assurer. Pour le moment, tout couvert encore des contusions douloureuses de mes persécutions, saignant de toutes mes plaies, le repos et la tranquillité étaient pour moi le premier des biens. J'étais comme si mes facultés excédées par la tension surnaturelle où elles avaient été obligées de se monter fussent tombées, pour l'instant, dans une sorte d'affaissement qui leur rendait absolument indispensable un intervalle de suspension. Cette disposition d'esprit ne fut pourtant que momentanée. J'étais doué naturellement d'une grande activité. Les peines que j'avais eues à endurer, en exerçant continuellement ma sensibilité, avaient probablement beaucoup ajouté à l'énergie de mes facultés. Je sentis bientôt le besoin de quelque occupation forte et attachante. Le hasard me fit alors découvrir, dans un recoin abandonné, chez un de mes voisins, un dictionnaire général de quatre des langues du Nord. Personne ne savait comment ce livre se trouvait là. Je l'achetai et l'emportai chez moi comme une conquête. Cette circonstance décida le sujet de mes méditations. Dans ma jeunesse, je m'étais un peu occupé des langues. Je me déterminai à entreprendre, ne fût-ce que pour mon usage, une généalogie historique de la langue anglaise. Je m'aperçus bientôt que ce genre d'application avait un avantage particulier pour moi, vu la situation où je me trouvais. C'est qu'avec un petit nombre de livres, je pouvais me donner de l'occupation pour longtemps. J'achetai d'autres dictionnaires. Dans toutes mes autres lectures, j'avais soin de noter les divers sens dans lesquels les mots étaient employés, et ces remarques me servaient à éclaircir mes recherches étymologiques. Je travaillais avec une assiduité sans relâche, et mes matériaux grossissaient à vue d'œil. Ainsi, je trouvais le moyen de distraire totalement ma pensée du souvenir de mes infortunes. Dans cet état si doux et si analogue à la disposition de mon âme, les semaines s'écoulaient les unes après les autres sans trouble et sans alarme. Chaque jour contribuait à me faire gagner quelque chose dans l'estime de mes bons et honnêtes voisins. Au premier abord, ils m'avaient regardé avec surprise comme un objet de curiosité. Mais une plus intime connaissance leur avait bientôt fait voir qu'il n'y avait rien en moi qui n'annonçât de l'honnêteté et de la franchise, et que si j'étais en état de leur donner, quand ils me le demandaient, des instructions sur des matières extrêmement au-dessus de leurs occupations habituelles, avec cela je ne me targuais nullement de cette supériorité de savoir, et je ne m'en donnais pas plus d'importance. Les points sur lesquels je différais d'eux n'engendraient pas de jalousie. Mon genre de vie était plus retiré et plus sédentaire que celui de mes voisins. mais je puis l'affirmer, comme la vérité la plus pure et la plus exacte, que ma réputation généralement établie parmi eux était celle d'un homme de beaucoup de savoir et de connaissances, du caractère le plus doux et le plus égal, et disposé en toute occasion à rendre service à qui que ce fût. Plongé dans cette douce tranquillité, il y avait des moments où j'allais jusqu'à oublier qu'il y eût un Falkland dans le monde, et quand cette idée venait m'assaillir, je savais quelquefois m'en servir pour rehausser encore à mes yeux le prix du calme si peu espéré dont je jouissais. La situation dans laquelle je me trouvais n'était pas très différente de celle où j'avais passé mes premières années, avec cet avantage que mon âme avait plus de vigueur et mon jugement plus de maturité. Je commençais à regarder l'espace intermédiaire entre ces deux époques comme le songe d'une imagination malade et souffrante, ou plutôt, je me sentais au même état qu'un homme revenu à son bon sens, après 6 mois passés dans le transport et le délire, et au milieu des rêves les plus alarmants et les plus horribles. Quand je repassais dans mon esprit les épreuves inouïes par lesquelles j'avais passé, cette idée n'était pas sans quelque satisfaction, comme étant le souvenir d'un mal qui n'est plus, et chaque jour ajoutait à l'espérance d'en être délivré pour jamais. Certainement, les sombres et effrayantes menaces de M. Falkland étaient plutôt les suggestions du dépit et de la rage que le résultat d'un projet réfléchi et concerté. Oh, combien mon sort me paraîtrait au-dessus de tous les autres hommes! Comme je savourerais mon bonheur si, après tant de terreur et d'alarmes, je me voyais enfin tout à coup rétabli dans la jouissance des droits d'une créature humaine! Tandis que j'étais ainsi à charmer ma solitude par ces douces illusions, il arriva que quelques maçons avec leurs compagnons furent appelés dans le lieu, d'une distance de 5 à 6 milles, pour y travailler à quelques ouvrages en une des meilleures maisons de l'endroit dont le locataire venait de changer. Aucun événement, sans doute, ne serait moins remarquable sans le rapport étrange qui se trouva entre l'époque de leur arrivée et celle du changement subi qui se fit dans ma situation. Ce changement se manifesta par une sorte de froideur et de réserve que je remarquai d'abord dans une personne et puis dans une autre de ma nouvelle société. On paraissait chercher à éviter de lier conversation avec moi, et on répondait à mes demandes d'un air contraint et embarrassé. Quand on me rencontrait dans la rue ou dans les champs, les figures semblaient s'obscurcir, et on s'arrangeait pour esquiver mon abord. Mes écoliers me quittèrent les uns après les autres, et il ne me vint plus d'ouvrage dans mon autre profession. Il me serait impossible de rendre les sensations que produisit sur moi le progrès graduel mais continu de cette cruelle révolution. Il semblait que je fusse atteint d'un mal contagieux qui mettait chacun dans la nécessité de me fuir et de me laisser périr seul et sans secours. Je demandais aux uns et aux autres de vouloir même expliquer ce que signifiait cette conduite envers moi, mais on éludait mes demandes, on y répondait d'une manière équivoque et évasive. Je voulais quelquefois m'imaginer que c'était une prévention de ma part, mais la répétition des mêmes épreuves, et encore plus l'anéantissement progressif de tous mes moyens de subsistance, ne me convainquirent que trop de la réalité de mon infortune. Rien n'est peut-être plus capable de donner à l'âme une commotion pénible qu'un changement marqué dans la conduite de nos semblables envers nous, sans que nous puissions l'attribuer à aucune raison plausible. J'étais comme l'arbre frappé du fatal vent du nord, dont les branches tombent l'une après l'autre, et qui n'offre plus qu'un tronc dépouillé, triste et honteux monument de son ancien état. Ne pouvant assigner aucune cause à cette disgrâce générale, j'étais souvent porté à me figurer que mon imagination égarée s'était créée cet horrible fantôme. Je faisais tous mes efforts pour secouer cette fatale illusion et reprendre mon premier état de contentement et de bonheur, mais en vain. Ajoutez que ne connaissant pas la source du mal, le voyant toujours s'accroître, et lui trouvant, pour ce que je pouvais en apercevoir, tous les caractères de l'arbitraire, il m'était impossible de deviner à quel point il s'arrêterait ou à quel degré il finirait par m'accabler tout à fait. Néanmoins, au milieu de cette situation si étonnante et en apparence si inexplicable, une idée vint tout à coup se présenter à moi et dès lors je ne fus plus le maître de la chasser de mon esprit. C'était Falkland. En vain je cherchais à m'en défendre sur le peu de probabilité de cette supposition. En vain je me disais, Monsieur Falkland, tout ingénieux et fécond qu'il soit dans ses ressources, n'agit pourtant que par des moyens humains et non surnaturels. Il peut bien m'atteindre par surprise et d'une manière tout à fait au-dessus de ma prévoyance, mais encore ne peut-il produire d'effets remarquables sans quelque agent sensible, quelque difficile qu'il puisse être d'en suivre la trace jusqu'au premier moteur. Il n'est pas comme ces êtres invisibles qu'on suppose se mêler quelquefois des choses humaines, qui volent partout sur l'aile des vents et qui, s'enveloppant de nuages et de ténèbres impénétrables, versent de là la désolation sur la terre. C'était ainsi que je cherchais à me tromper moi-même, pour me persuader que mes malheurs actuels avaient une autre source que les premiers. Croire encore à l'existence et à la continuité de ma première chaîne d'infortune était la plus épouvantable des idées possibles, près de laquelle tout autre mal n'était rien. D'une part, l'incohérence de mes idées sur ma situation présente, si je n'y faisais pas entrer pour quelque chose les machinations de M. Falkland, de l'autre, l'horreur résultante de la seule possibilité d'avoir encore à lutter contre sa haine après une suspension de plusieurs semaines, une suspension que j'avais crue éternelle, ces deux genres de torture me déchiraient en sens contraire. C'était un siècle qu'un intervalle de quelques semaines pour un homme aussi profondément malheureux que je l'avais été pendant longtemps. Mais tous mes efforts ne pouvaient réussir à bannir de mon esprit cette terrible idée. Le génie et la persévérance de M. Falkland avaient fait dès l'origine une telle impression sur moi que je ne me figurais pas que rien lui fût impossible. Il ne s'agissait pas ici de calculer jusqu'où peut aller la puissance de l'esprit humain sur les causes matérielles. M. Falkland avait toujours été pour mon imagination un être incompréhensible, et je ne me croyais pas en état d'entreprendre d'analyser ses moyens et ses ressources. Mon esprit était dans cette affreuse perplexité, et déjà la situation de mes affaires m'avait obligé de penser à changer de demeure, lorsqu'il survint une nouvelle circonstance qui tendit à lever une partie du voile. Dans le vrai, rien ne m'était plus nécessaire à ce moment que d'obtenir quelque éclaircissement. Tant que je ne pourrais rien comprendre à la cause de mon infortune actuelle, il m'était impossible de dire en quel lieu je chercherais une retraite et quelles précautions mon intérêt m'obligeait de prendre. L'incident dont je parle me sauva au moins de la nécessité de marcher tout à fait au hasard. Je revenais un soir d'une de mes courses à pied dans les montagnes. Il est vraisemblable que mon retour fût un peu plus prompt qu'il ne l'était ordinairement en pareil cas. Quoi qu'il en soit, quand je rentrais dans la maison où j'avais un logement, aucune des personnes qui l'habitaient ne s'y trouva pour le moment. La femme et les enfants avaient été prendre le frais. Le mari était dehors à ses occupations ordinaires. Dans ce pays, on ne ferme les portes pendant le jour qu'au loquet. Ainsi, j'ouvris moi-même et j'entrai dans la cuisine. Comme mes yeux se portaient indifféremment de côté et d'autre, ils tombèrent par hasard sur un papier posé dans un coin qui, par je ne sais quelle liaison d'idées que je ne saurais expliquer, me fit naître de la curiosité et du soupçon. Je courus à l'endroit où il était, je m'en saisis et je lus. Quoi ? La merveilleuse et surprenante histoire de Caleb Williams, ce même écrit qui m'avait causé de si affreuses angoisses dans les derniers moments de mon séjour à Londres. Cette découverte m'éclaircit tout d'un coup le mystère que je n'avais pu comprendre. Une affreuse certitude succéda au doute qui m'avait tourmenté. L'effet de la foudre n'est ni plus rapide, ni plus terrible. Je restais anéanti. Il n'y avait donc plus d'espérance pour moi. Il ne me servait à rien d'avoir été acquitté. L'avenir, le passé, ne m'offraient aucun moyen de soulagement dans mes souffrances. L'odieuse et atroce imposture inventée contre moi était donc destinée à me suivre partout, à flétrir partout ma réputation, à m'enlever partout l'intérêt et la bienveillance de mes semblables, à m'arracher partout jusqu'à l'aliment nécessaire au soutien de ma vie. La certitude de voir le terme de la tranquillité dont j'avais joui, l'affreuse perspective de trouver dans chaque retraite les mêmes sentiments de haine, me causèrent une douleur mortelle, où pendant peut-être l'espace d'une demi-heure, je fus absolument hors d'état de former une pensée raisonnable, ni de prendre une résolution. Aussitôt que je fus sorti de cet état d'épouvante et de stupeur, et que mon esprit fut délivré de ce calme de mort qui enchaînait toutes ses facultés, alors il s'y éleva tout d'un coup comme un vent impétueux et irrésistible qui m'entraîna à abandonner sur le champ la retraite qui m'avait été si chère. Je ne trouvais pas en moi la patience d'entrer en explication avec ces bons villageois. J'avais été trop souvent témoin des triomphes de l'imposture pour mettre dans mon innocence cette confiance assurée qu'elle aurait pu donner à toute autre personne de mon âge et de mon caractère. Je ne pouvais pas supporter l'idée d'entreprendre ainsi d'arracher en détail, et l'un après l'autre, tous les traits envenimés qui pleuvaient partout sur moi. Si jamais je me trouvais réduit à la nécessité d'aller au-devant de mes ennemis, si je me voyais forcé, dans toutes mes retraites, comme l'animal sauvage qui n'a plus d'autre ressource que de revenir sur ses pas et de s'élancer sur les chasseurs, alors je m'élancerais sur le véritable auteur de cette inique persécution. J'irai attaquer la calomnie jusque dans son fort. Je m'animerai d'une énergie toute nouvelle. Je tenterai des efforts dont je n'avais pas encore eu l'idée, et par la fermeté, l'intrépidité et l'inébranlable constance qu'on me verrait déployer, je saurais bien encore forcer les hommes à croire que Falkland était un imposteur et un assassin.